LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Parmi les grandes incohérences de ma vie, je suis une sérielle marieuse. Je me suis paxée deux fois et mariée deux fois, bref, je suis passée quatre fois en mairie. Et pourtant, en tant que bonne féministe, je suis pour l'abolition du patriarcat. La logique voudrait que je sois contre le mariage, qui est une institution qui enferme les femmes. Et pourtant, franchement, l'union libre, ben, ça me fait pas rêver. Moi, j'ai besoin d'engagement, j'ai besoin de symboles. Et c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'y retourner. Alors que je sais d'avance que je vais être perdante. Consentez-vous à prendre ce monsieur pour époux ? C'est officiel, là. Réfléchissez. Oui. Et consentez-vous à prendre 4 pour épouse ? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie, avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 3, pour une nuit ou pour la vie ? Toi et moi, on va pas se marier, et puis moi je me suis déjà mariée 50 fois, et puis on n'a pas pour projet de se marier. Même si on était amoureux, je pense pas qu'on aurait pour projet de se marier, de toute façon. Toi, a priori, moi, étant anarchiste, voilà, tu es contre le mariage, donc de toute façon, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été réconciliable. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'engager ? Puisque dans le couple, il y a quand même cette idée d'engagement, mais d'engagement presque mystique, l'un vis-à-vis de l'autre. Attends, d'abord, pourquoi tu t'es mariée, toi ? Tancrède Ramonet. Parce que je te rappelle que normalement, toi aussi, tu es censé être anarchiste ou d'ultra-gauche. Puis moi, je suis multi-mariée en plus et multi-divorcée. Et ça fait partie peut-être des grandes contradictions. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui croit encore justement en l'engagement. Il y a deux choses qui se mélangent en fait. Il y a l'engagement, ça c'est une chose, le côté amour inconditionnel, je t'aime peu importe que tu prennes 10 kilos, que t'en perdes 10, que voilà, il y a cette idée d'amour inconditionnel dans l'engagement qui est beau, mais il y a aussi cette idée de la reconnaissance sociale du couple, c'est-à-dire officialiser, dire vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, voilà, ce couple-là existe, reconnaissez-le comme tel. Et c'est vrai que le mariage, c'est une forme de reconnaissance du couple. Mais ça, ça va très bien avec ton côté un peu parfois suranné, vieux jeu. T'aimes bien être, évidemment, contre les modes. Le mariage baisse, donc tu vas te marier. Et en même temps, un goût parfois pour des choses désuètes que t'as. Mais je vois pas ce que le mariage vient faire là-dedans. Tu peux t'engager auprès de la personne que t'aimes. Sincèrement, totalement, de manière inconditionnelle, sans avoir à signer un papier devant une tierce personne. Ça est très bien raconté par Brassens dans la chanson La non-demande en mariage. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Qu'est-ce qui a changé dans notre représentation du couple depuis le Pax, le déclin du mariage et en même temps la possibilité pour les personnes du même genre de se marier ? Alors beaucoup de choses ont changé et en même temps, il reste des constantes. Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de Sociologie du couple. Aujourd'hui, on part de soi. Alors c'est pas du narcissisme le fait de partir de soi, mais c'est le fait de vouloir maîtriser sa vie. C'est la nouvelle époque que nous vivons aujourd'hui. L'individu est au centre de son existence et veut prendre toutes les décisions, les meilleures décisions pour lui-même. En même temps, il rêve d'amour, il rêve même parfois de famille, d'enfants, etc. Donc toute la question, ça va être comment combiner le fait de rester soi, de maîtriser son existence et de s'engager dans le couple et dans la famille. Quelle forme y prend aujourd'hui cet engagement puisqu'on se marie moins ? Alors l'engagement, justement, au début, on n'y pense pas. Les débuts de la vie à deux se font dans le présent. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qui commencent par des petites histoires, des rencontres qu'on a beaucoup de mal à définir. On ne sait pas trop, et c'est justement parce qu'on ne sait pas trop que ces rencontres ont lieu. Et puis là, très souvent, arrive un autre temps où on passe du présent au futur. on a envie de faire des projets, de s'engager, éventuellement de parler enfant. Alors, très souvent, ceux qui vont se marier, ça va être autour de la période où le désir d'enfant va arriver. Les deux marquent une espèce de rupture symbolique, de marquage symbolique. On veut justement s'engager. Il faut le dire, l'afficher, montrer aux autres que l'on a changé, proclamer ce souhait identitaire nouveau. J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes 1h30 pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussitôt que possible. Il y a quelque chose qui me fascine souvent, c'est que je vois des gens qui se fréquentent, qui disent se voir. Nous, on aurait dit, sortir ensemble. Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui disent se voir et non pas être avec ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a peur d'afficher un nouveau statut sur les réseaux sociaux ? J'en sais rien. Tu te souviens, sur Facebook, on mettait en couple sur Facebook, on mettait ça. Mais quoi. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a un terme en anglais maintenant, situationship. Sabrina Erinjin, co-autrice de Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour. Voilà, tu n'es plus en relationship, tu es en situationship. On est en situation. On ne sait pas quelle situation. Mais je pense qu'en fait, il y a une peur de l'engagement incroyable, mais de toutes parts. Hein. On n'a plus envie de s'engager dans quelque chose de trop contraignant. Et bien sûr que les relations humaines, elles sont contraignantes. Mais si ça met la personne plus à l'aise de dire « on se voit » que de dire « on est ensemble », pourquoi pas ? Puis, en même temps, peut-être que dire « on se voit », c'est accepter l'individualité de chacun. Alors que dire « on est ensemble », d'un seul coup, ça fait un seul « ensemble ». Et on n'a plus envie de ça ? Je sais pas. T'en penses quoi, toi ? Moi, j'en pense que l'ambiguïté crée une insécurité qui peut rendre fou ou folle une personne, en fait. Ouais. Alors, moi, je suis pas... Tu me dis « on se voit », ça me va pas, hein. Moi, je dis, attends, on fait quoi exactement ? Quand est-ce qu'on rencontre tes parents ? C'est un peu ça, genre, excuse-moi, j'attends ma bague du fiancé, mais que de fiancé, parce que je veux pas me marier, mais je veux quand même un diamant. Mais ouais, je suis très honnête sur mes relations, et je suis genre, ok, je demande pas à ce qu'on fasse notre vie ensemble, mais par contre, je demande à ce qu'on définisse ensemble les termes de notre relation. Et est-ce que ça veut dire que tu veux voir d'autres personnes ? Est-ce que ça veut dire que tu t'attaches à moi quand même ? Est-ce que ça veut dire que t'attends mieux que moi ? Parce que moi, on se voit, ça... pour moi, hein, perso, hein, ça veut dire, écoute, en attendant, tu fais le job, mais j'attends mieux que toi. Tu te souviens, à l'époque, quand tes copines, elles te disaient, ouais, j'ai rencontré un barman. Et tu disais, oh là là, surtout pas. Le barman, c'est non. Tu sais, c'est le barman ou le chanteur d'un groupe ou quoi. Parce que tu disais, le gars, il rencontre des meufs différentes tous les soirs. Donc, il va forcément pas être convaincu par toi et il va toujours être dans l'attente de mieux. Donc, non, n'y va pas. Aujourd'hui, ils sont tous barman. Ils sont tous chanteurs ou je sais pas quoi. Ils sont sur les applications de rencontre. Et ils sont toujours dans l'attente de mieux. Nous, on accepte la difficulté, on accepte l'engagement. Et eux, ils sont là à se dire, si elle, je l'ai eue, peut-être je peux avoir 20% mieux. Dans mon bureau, un grand poster d'Elizabeth Taylor et Richard Burton, enlacé sur le tournage de Cléopâtre. Elle, 8 mariages au compteur. Lui, 5. Des mariages hollywoodiens, on pourrait en citer à l'appel. Mais leur signe distinctif, c'est qu'ils se sont mariés 2 fois ensemble et qu'ils ont donc divorcé 2 fois. Et je me rends compte que le couple Burton-Taylor a complètement façonné mon imaginaire amoureux. Moi aussi, j'ai envie d'être enlacée comme une reine d'Égypte. Est-ce que tu crois pas quand même, C'est peut-être complètement antiféministe et complètement opposé à mes convictions les plus profondes. Mais est-ce que tu crois pas quand même que le mariage, ça protégeait les femmes d'une certaine façon? Parce que de fait, dans la plupart des couples, c'est quand même les femmes qui mettent leur carrière, entre parenthèses, au moment de l'arrivée d'un enfant. Là, on se fait avoir dans tous les sens, quoi. Au moment de la rupture, il faut qu'on soit complètement autonome financièrement. Sinon, on ne quitte pas son mari, si on n'est pas autonome financièrement. Il faut qu'on assume la plupart des tâches parentales. Là, maintenant, on a quand même l'impression que c'est tout bénef pour vous. Vous vous engagez pas. Bah non, on se marie pas, on s'en fout et tout ça. Et allez-y, démerdez-vous. Ah tiens, j'en ai trouvé une plus jeune, alors finalement, je m'en vais. Franchement, on se retrouve en carafe, toute seule, sans aucune sécurité, ni financière, ni rien, quoi. Le mariage, c'était pas si mal. Moi, je suis pour une réhabilitation féministe du mariage. Personne veut me suivre, mais moi, je suis pour. Là, vous avez le beau rôle, quand même. Vous êtes dans une société où on vous demande plus de vous engager. Qu'est-ce que tu veux me demander? Je te réponds oui. Deux fois oui. Oui à ta question et oui à ta demande. Je t'appelle parce que je pense que ta vision du mariage est biaisée. Et à mon avis, c'est dû au fait que toi, t'es protestante, 100% protestante, si je me trompe pas. Alors que moi, je suis moitié protestant, moitié catholique. Et je peux te dire que si chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, chez les catholiques, en revanche, il l'est. C'est même d'ailleurs pour ça que Don Juan est damné. Donc ce que je te propose, c'est d'aller te faire voir chez les catholiques pour me dire un peu si Dieu est en déconstruction. Chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. En clair, c'est pas l'affaire de l'Église, quoi. Personnellement, je n'ai aucun compte à rendre devant Dieu, en tout cas pas sur ce point. Mais chez les cathos, c'est une autre histoire. On prononce des vœux d'éternité. Bref, on n'a pas intérêt à se planter. Est-ce que le mariage, c'est une cause qu'il faut défendre? Est-ce que c'est presque quelque chose qui relève du politique, finalement? Est-ce que c'est une cause? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans une forme de militantisme pro-mariage. Je dirais, pour moi, c'est un idéal. Denis Moreau, professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Je ne sais pas si ça, c'est un concept qui vous convient aussi. C'est un idéal, c'est-à-dire, je trouve l'idée de deux personnes qui, par amour, se choisissent et décident d'essayer de passer leur vie ensemble en étant toutes les deux aussi heureuse que possible. Je trouve ça beau, je trouve ça moteur. Pour moi, ça a été motivant, ça l'est toujours. Et donc, c'est une idée que j'ai envie de défendre. Et puis, il y a peut-être un sens plus négatif de l'idée de défense, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le mariage est fragilisé. Bon, ça, à nouveau, pas de jugement de valeur, mais les statistiques le disent. Hein. C'est le nombre des séparations et des divorces a explosé depuis les années 1970. Et donc, peut-être qu'on a à le défendre comme on a à défendre une belle chose un peu fragile, un château de sable contre la marée qui monte. En quoi c'est un problème qu'il y ait un déclin finalement du mariage ou qu'il y ait autant de séparations? Oui, c'est une bonne question. Alors pour moi c'est un problème parce que je vois que ça... Enfin, généralement quand même ça se passe quand il y a séparation, elle est précédée, elle s'explique par un certain nombre de passions tristes, dire Spinoza. C'est-à-dire, on voit bien que les gens sont malheureux. Quoi. Ils sont malheureux. Alors, ils sont malheureux avant la séparation, et c'est parce qu'ils sont malheureux qu'ils se séparent. Et puis, souvent, ils sont malheureux de la séparation. Enfin, j'ai l'impression que les gens avec qui j'ai pu en parler, c'est quand même peut-être pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, quelque chose qui est vécu de manière extrêmement difficile, qui entraîne des difficultés. Alors, psychologique et affective sûrement, économique aussi. Quand ça dysfonctionne et que les gens sont malheureux, à mes yeux, c'est un problème. Oui, alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu fleur bleue, un peu facile, mais j'aime pas voir les gens malheureux. Oui. Ça m'attriste. La question que je me posais en vous lisant, c'est est-ce que finalement, le divorce, ça concerne l'ensemble de la communauté? Bon, ou le mariage, par oui. Ailleurs, les deux? Alors, c'est un acte public, hein. Le mariage plus que le divorce. Enfin, le mariage, c'est qu'en France, ça ne peut avoir lieu qu'à la mairie. C'est ouvert à qui veut y assister. C'est un engagement qu'on prend devant l'État, enfin, en s'engageant à appliquer les articles du Code civil, où l'État fait un peu la morale. L'article 212 du Code civil, à la mairie, vous vous promettez fidélité, respect mutuel, secours et assistance. Vous vous promettez fidélité ça va quand même pas de soi. On peut très bien imaginer des couples qui choisissent de ne pas vivre en étant fidèles l'un à l'autre, etc. Ça existe. Là, c'est l'État qui vous demande de vous promettre fidélité. Donc quand on dit que l'État fait pas la morale, c'est pas si sûr. C'est un simple constat que j'ai fait et qui m'a un peu étonné, c'est que je me suis marié à la mairie et j'ai essayé de faire un tout petit peu attention à ce que je faisais. Donc avant de me marier, j'ai lu les articles du Code civil sur lesquels on me demandait de m'engager. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez court. Et à aucun moment, il est question d'amour. Le mot n'est pas prononcé. Donc on s'engage à des choses quand on se marie à la mairie, mais il n'est pas supposé comme condition nécessaire qu'on s'aime au préalable et on ne s'engage pas à s'aimer. La mairie, c'est un quart d'heure, là. Un petit air de musique au début, la quête pour les œuvres de la mairie à la fin, et hop, on passe au suivant. Bon, je trouve que la République gagnerait à mettre un peu plus d'apparat dans cette affaire-là. Je suis catholique aussi, et donc je me suis, après m'être marié à la mairie, marié à l'église. Et alors là, ça dure plus longtemps. Là, on m'a demandé si j'aimais ma femme. On m'a fait promettre de l'aimer d'essayer de l'aimer pour la vie, etc. C'était tout de suite. Donc, ça m'a frappé la différence des deux univers de discours. Et la grande affaire, alors je le dis en jargon catholique, et puis on traduira après, indissolubilité. Donc ça, c'est, si je le dis en bon français, ou en bon anglais, ça veut dire que le mariage catholique, c'est un one shot, hein, il y a un coup. C'est une règle dure, ça. Aujourd'hui, on peine à comprendre, mais donc voilà, on se marie. Une fois, alors ça ne veut pas dire l'Église reconnaît tout à fait la possibilité des séparations, mais l'Église catholique, à la différence d'autres églises chrétiennes, n'admet pas le remariage. Il n'y a pas de seconde chance. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Ça vous fait rire, je vous assure que c'est la bonne réponse. Parce que ça figure dans la Bible, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le défasse pas. Mais je conçois que nos auditeurs trouvent cette réponse un peu courte, alors je vais essayer de développer un peu. Moi, ça m'a aidé, en fait, dans ma vie de couple. Quand je me suis demandé, est-ce que, après tout, la séparation ne serait pas une possibilité ? Oui, c'est des questions, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais en 30 ans de mariage, on les rencontre forcément à un moment ou à un autre. Hein. Et là, il y avait cette idée que je m'étais engagé à faire vraiment tout mon possible pour que ça dure autant que possible. Quand je regarde l'allure générale du parcours que mon épouse et moi avons suivi, j'en suis heureux. Je me dis, c'est pour le moment une des choses pas trop mal que j'ai faites dans ma vie. Donnez-moi une raison de croire au mariage aujourd'hui en 2022. Faites-moi envie. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Je dirais les vieux couples. Alors, ils sont tout vieux, tout mal foutus, malades, ils sentent la lavande, les mamies ont les cheveux bleus, là, et lui, il a une canne et tout, mais ils sont là tous les deux, on les sent complices, heureux d'être ensemble. C'est des gens qui, en un sens, ont réussi à faire l'amour, au sens de tisser, engendrer, fabriquer l'amour au long de leur vie. Moi, je suis pas complètement convaincue, à part le vieux couple. Votre dernière carte, j'y crois pas complètement. Je peux vous la refaire autrement. On se fait une version alternative. Alors, je vais vous la faire courte. Ça rend heureux. Pas tout le monde. Non, certaines personnes. Mais si vous connaissez un état de vie qui rend heureux tout le monde, vous me prévenez. On nous parle des phéromones, mais on se rend compte quand même pas par hasard. Il y a quand même une forme de déterminisme social dans cette affaire. Il y a une vraie même homogamie. Regarde, si tu prends notre exemple, on gagne à peu près la même chose, on a à peu près le même niveau d'études, on fait tous les deux le même métier, t'es documentariste, je suis documentariste. Je peux pas imaginer que tout ça, ce soit purement le fruit du hasard, même si nous, on a envie d'imaginer que c'est ça, qu'on s'est rencontrés un matin en prenant un café, c'est ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que ce qui fait que ça a continué et que c'est allé au-delà de « bonjour, ça va, vous travaillez sur quoi en ce moment ?»« Bah moi, je travaille sur ça. Ah, merci, bonne journée. » Ce qui fait que la relation va au-delà, c'est quand même cette reconnaissance, ce côté familier, en fait. On vient du même milieu social. Et on a beau, toi comme moi, être super militant, genre « ouais » et tout ça, il n'empêche que toi comme moi, on ne se marie pas ou on ne se met pas en couple avec des gens qui ne sont pas pratiquement du même milieu social que nous, quoi. Donc on est quand même des gros imposteurs, hein, à tous les niveaux. On est des imposteurs et de l'amour et du militantisme, tu crois pas ? Mais c'est clair. Et on dit de toute façon que les gens se rencontrent à 80% sur leur lieu de travail. Nous, en fait, on s'est rencontrés un peu sur notre lieu de travail, sachant que notre lieu de travail, c'est les cafés, les tout ça, où on réfléchit. Le mariage, c'est, pour l'immense majorité des gens, c'est une alliance de biens et de conditions au sens de conditions sociales. Michel Bozon, sociologue à l'Institut national d'études démographiques. Dans l'aristocratie, il est extrêmement important de ne pas se mésallier, sinon on y perd de l'honneur, on y perd du prestige. C'est de la politique des familles, c'est pas d'amour qu'il s'agit. On va avoir préparé tout ça en faisant en sorte que les jeunes fréquentent des gens du même milieu, hein, c'est les fameux rallyes du 16e arrondissement, où ils sont obligés de se recevoir entre familles, et ils rencontrent toujours les mêmes gens. Voilà, donc on fait en sorte que le patrimoine aille avec la sociabilité et implicitement avec l'amour. En revanche, dans les classes ouvrières, où il n'y a pratiquement pas de patrimoine, les choses sont plus libres. Ouais. J'ai cru qu'enchaîner les relations pourrait me faire oublier. Et mes rencontres sont vides comme le désert. Dis-toi que j'imaginais même trouver un peu d'inspiration. Résultat, je reste devant ma feuille blanche pendant tes heures. Une centaine de matchs. Depuis 2000, il y a eu ce qu'on appelle une révolution numérique. Les sites de rencontres, les applications de rencontres. Bon, donc de nouvelles manières de se rencontrer qui développent très largement un segment du marché matrimonial qui avait toujours été très secondaire, très petit, l'univers des agences matrimoniales, des clubs de rencontres, qui n'avaient jamais représenté de très nombreuses rencontres, voire les petites annonces du Chasseur français ou d'autres revues. Et là, avec la révolution numérique, d'un coup, ce type de rencontre par intermédiaire explose brusquement. On aurait pu croire que les applications et les sites internet allaient faire justement sauter cette homogamie, puisqu'on y est tous. Tout le monde fréquente à peu près le même site. Sur Tinder, il va y avoir toutes les catégories sociales qui vont être mélangées. Et pourtant, au final, parce qu'il y a cet échange, on va quand même checker nos compatibilités sociologiques avant de faire couple, finalement. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas vraiment de cette homogamie. Bien, on peut dire que, à travers les échanges à distance qui se font par les applis, par les sites, eh bien, l'homogamie se construit. C'est plutôt ça. C'est que il s'agit, dans un premier temps, d'éliminer les indésirables. Et ça, c'est pas difficile. Hein. Il suffit d'appliquer quelques critères simples. Puis, il n'y a même pas besoin de les appliquer. On les sent. Par exemple, pour des jeunes femmes, on va dire à bac plus 5, les problèmes d'orthographe chez les correspondants, c'est un énorme problème parce que ça situe socialement quelqu'un. Le prénom également. Alors, les prénoms sont toujours extrêmement classants socialement en France. Des fois, il n'y a pas le vrai prénom, hein, mais peut-être que le faux n'est pas mieux. Moi, à un moment, j'ai cru que la manière de sortir de cette endogamie sociale, c'était d'aller sur les applis. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les applis, à la fin, on finit par aller avec des gens qu'on aurait pu rencontrer dans la vraie vie, IRL, comme on dit. Alors, c'est marrant, moi, tout particulièrement ces derniers temps, j'approche de la cinquantaine, j'ai une petite mèche blanche, etc. Mon profil marche énormément. Et je me suis dit que c'est retrouvez-le à Tancred. Non, mais je me suis dit, c'est parce que je dois avoir un côté Georges Clooney, tu vois, être un peu une espèce de devenir un, peut-être me conformer à un archétype et tout. En fait, c'est très normé, quoi. Et toutes les disqualifications de classe, de culture, de couleur, etc., etc., peuvent se mettre en place là-dedans. Et donc, une sélection radicale qui se fait, finalement, inconsciemment de la part de tout le monde, mais qui s'exprime et qui fait que les suffrages sont concentrés sur quelques profils en ce qui concerne les choix des femmes. Et ta superficie sociale, comme ça, elle se reconnaît comment, quels indices sur ton profil? Tu dis quoi que non, tu je donnes mets ton métier? Non, je ne mets pas mon métier, mais... Tu donnes ton salaire? Non, mais ni le salaire, mais je pense que ça se voit aux photos, donc aux décors dans lesquels on est pris, à nos activités, à notre manière de s'habiller, à nos centres d'intérêt, ça dit, en fait, ça décrit tout. Enfin, Bourdieu l'avait raconté, évidemment. Tout est décrit en filigrane, sans que ça apparaisse, mais tout est dit. Là, on sait, en gros, la CSP à laquelle on a affaire. Il y a comme un rêve aujourd'hui qui est de rester soi-même, de rester maître de sa vie, mais de pas rester seul. Rester soi-même, mais rajouter l'autre dans la vie. Rajouter l'autre sans qu'il dérange de trop. Donc la solution un petit peu rêvée, c'est de trouver une personne qui nous ressemble complètement. Donc cette personne, elle va être dans le même milieu social, avoir les mêmes goûts culturels. Alors ça, c'est pour l'engagement à long terme. Et en même temps, il y a un petit peu le contraire dans les esprits. Un rêve de surprise, de dépaysement, de cosmopolitisme. Mais ça, c'est plutôt pour la rencontre d'un soir ou d'un peu plus, la petite histoire, l'aventure qui va faire frissonner, qui va faire rêver. Et dans cette aventure, c'est pas toujours exactement la même silhouette, le même rêve que l'on a par rapport à l'engagement dans la longue durée. Tu veux que je te fasse ma déclaration, ma demande en mariage? Vas-y. Donne-moi le 06 de beau-papa, je vais l'appeler. Ok, donc je vais passer de la propriété de mon père à la propriété de mon futur mari, c'est très bien. C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Pour une nuit ou pour la vie. Avec Denis Moreau, Michel Bozon, Jean-Claude Kaufmann et Sabrina Heringer. Et tout de suite, un nouvel épisode de « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Après de multiples mariages, divorces, pacs, dépacs, me voilà de nouveau seule, à 42 ans. Je dirais pas que ça m'angoisse, parce que toutes ces unions et désunions m'ont refroidie pour un moment, on peut pas dire que je sois prête à remettre le couvert, mais quand même, 42 ans et déjà une famille, pas sûr que je vaille grand-chose sur le grand marché du couple. Et toutes les statistiques me donnent raison. Refaire sa vie quand on est une femme, c'est affronter 1000 obstacles et c'est surtout faire le deuil de l'image idyllique de la relation.